Je voudrais effectivement prendre le problème d'une façon un petit peu différente. Non pas du tout que je dénie toute pertinence à ces aspects qui sont parfois très techniques, mais parce que je pense, comme quelqu'un l'a dit, je crois que la question centrale, c'est la question des institutions politiques. Et je pense qu'il est difficile de s'y retrouver, justement, dans certains de ces aspects très techniques, si on ne commence pas par mettre vraiment au point de départ de notre réflexion collective la question de la reconstitution ou de la création de nouvelles institutions politiques. C'est une question qui nous apparaît comme étant fondamentale, dans la mesure où, justement, elle pose la question de savoir comment lutter efficacement contre l'imaginaire néolibéral, puisqu'on a parlé à plusieurs reprises de cet imaginaire. Il y a en effet un imaginaire qui peut se développer jusqu'à la fabrication d'utopies, parce qu'il y a des utopies néolibérales, mais ce sont des utopies qu'il faut savoir combattre en dressant un autre imaginaire. Il faut être capable de lutter imaginaire contre imaginaire. Voilà, on ne répond pas, on ne lutte pas, on ne combat pas cet imaginaire néolibéral et son emprise en disant tout simplement il faut aménager telle ou telle situation, parce que c'est vrai, le combat passe également par là, mais il faut adosser ce combat à une alternative d'ensemble. Et c'est la préoccupation en tout cas que nous avons avec Christian, la préoccupation qui est de mettre au centre ce que nous appelons le principe du commun. Alors le mot de commun est très galvaudé, c'est la raison pour laquelle ne serait-ce que les occurrences de l'expression « bien commun », par exemple, dans les interventions, sont à cet égard un indice, non pas du fait qu'il est galvaudé, mais du fait que l'usage en est tellement courant qu'on prend généralement assez peu de recul pour se demander « mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, que commun, cette chose qu'on appelle commune ?» Parce que généralement, ce qui prévaut, c'est l'usage du qualificatif, c'est-à-dire le fait de dire précisément « il y a une chose qui est un bien commun, il y a des biens communs, il y a le bien commun au singulier ». Et puis, on se demande ensuite qu'est-ce qui fait justement que ces différents biens, de différentes sortes, reçoivent néanmoins la même désignation avec ce qualificatif qui est le qualificatif de commun. Alors nous avons choisi une démarche qui est un petit peu différente, qui consiste justement à faire le pari et à prendre le parti, si je puis dire, de la substantivation. C'est-à-dire précisément à parler du commun au singulier comme d'un principe politique. Pour expliquer cela très rapidement, puisque ce sera l'objet de mon intervention, je dirais que quand on parle du bien commun et des biens communs, on est amené à donner de l'importance, qu'on le veuille ou non, au substantif, c'est-à-dire à ce mot de bien. On peut bien sûr faire des différences, parce que bien, ça a plusieurs significations. Par exemple, ceux qui parlent du bien commun au singulier, généralement se réfèrent à une sorte d'horizon ou de visée comme ça, qui est propre à une collectivité, pas nécessairement une communauté politique. Et puis, ils se disent, voilà, il y a une volonté de réaliser le bien commun de tout ce groupe ou de toute cette collectivité. Et ce qui finalement est un problème, c'est la façon dont cette détermination du bien commun qui est visé par tous a lieu. Mais justement, ça nous montre que de notre point de vue, le bien commun au singulier, même le bien commun d'une communauté politique, est subordonné à une question fondamentale qui est de savoir mais comment on détermine le contenu de ce bien commun. Parce que parler du bien commun en général, c'est très abstrait, c'est très général, c'est très algébrique, comme on dirait. Et donc, dans cette mesure-là, ce qui est important, c'est d'arriver à déterminer collectivement le contenu du bien commun. Et ça, ça nous fait dire que, justement, le bien commun renvoie au commun, c'est-à-dire à ce que nous appelons un principe politique. Parce que nous estimons, je vais le dire en deux mots et l'expliquer après, que ce principe politique est le principe de la démocratie, compris dans son sens le plus radical. Et donc, dans cette mesure-là, il n'y a de détermination du bien commun d'une collectivité ou d'une société que pour autant que le principe du commun est mis en œuvre. Pourquoi parler du principe du commun? Je reviendrai après sur les biens communs au pluriel, parce que là aussi, il y a pas mal d'équivoques. Mais je crois que pourquoi finalement insiste-t-on sur... Pourquoi nous insistons sur le principe du commun? Bien parce que dans cette idée de commun, il y a une idée bien sûr qui est une idée d'obligation. Donc le principe du commun étant un principe ne signifie pas que tout le monde est autorisé à faire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est un principe d'obligation, mais c'est un principe de co-obligation. Parce que dans le mot de commun, vous avez cum, le latin, qui signifie avec ou ensemble, et vous avez munus, qui signifie, enfin c'est son premier sens en tout cas, l'obligation. Donc une sorte de co-obligation. Et puis, vous avez en même temps, dans le latin, en tout cas dans le terme de communus, vous avez l'idée d'une activité, de l'exercice d'une fonction, de l'accomplissement d'une tâche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte que les deux significations principales soient connectées. Et nous aboutissons à ce que nous appelons le principe du commun, c'est-à-dire justement l'idée qu'il ne peut y avoir de co-obligation que celle qui procède de la coparticipation à une même tâche ou de la coactivité. Et c'est une idée qui est pour nous très importante. D'un certain point de vue, c'est une idée qui est assez ancienne. Par exemple, quelqu'un comme Aristote disait « vivre ensemble », là aussi, autre formulation, autre expression extrêmement galvaudée, « vivre ensemble implique toujours l'agir commun » ou un « co-œuvré hein, », littéralement, enfin le grec dit presque ça, « co-œuvré », un « co-œuvré », ou un « co-agir », ou un « agir commun ». Et nous considérons que c'est précisément ça l'essentiel dans cet énoncé du principe du commun. Parce que ça signifie que la véritable démocratie consiste dans la coparticipation aux affaires publiques. Et à certains égards, nous sommes, moi je le dis pour moi, mais c'est également le cas de Christian, je crois, assez souvent irrités par le recours à l'expression de démocratie participative. Pour une raison très simple. Alors maintenant, en plus, ça devient une sorte de marotte néolibérale. On vous parle du référendum qui va être organisé sur Notre-Dame-des-Landes et on dit c'est la démocratie participative. Bon, et la notion de démocratie participative, à ce moment-là, fait perdre la notion de participation de son véritable sens, parce que finalement, ce qu'on nous explique quand on nous parle de démocratie participative, c'est qu'il y a la démocratie participative d'un côté, la démocratie représentative de l'autre, et puis que les deux, finalement, ne sont pas absolument exclusifs l'un de l'autre, au contraire, ils sont tout à fait complémentaires. Voilà, ça fait partie des discours qui sont très, très entendus aujourd'hui. Or, ce qui se passe notamment avec Nuit Debout, qui vient après d'autres expériences, d'autres expérimentations politiques, notamment en Espagne, le 15e, avec les indignés espagnols, et la Turquie, avec le parc Gezi, avec ce qui s'est passé donc sur la place Taksim, c'est quelque chose qui pose d'une manière extrêmement brutale, d'une façon très publique et finalement assez radicale, la question de la critique de principe, la critique de fond de la démocratie représentative. Et là, je pèse mes mots. Je dis donc, à ce moment-là, il n'y a pas lieu de parler d'une démocratie participative qui viendrait en supplément d'âme ou en complément par rapport à la démocratie représentative, mais d'une critique de fond de la démocratie représentative. Ça signifie que cette critique de fond consiste à dire que la démocratie représentative n'est pas une véritable démocratie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre au sérieux l'expression des indignés espagnols sur la démocratie réelle. Réelle signifiant justement une démocratie qui ne soit pas représentative. Alors on peut ensuite utiliser tel ou tel terme, direct, ne me paraît pas toujours suffisamment clair, mais en tout cas une démocratie qui consiste dans la coparticipation aux affaires publiques. Or, à cet égard, même si ça gêne beaucoup de gens, en particulier parmi les néolibéraux, il y a un auteur qui a dit les choses d'une façon très crue, qui justement parle beaucoup de la représentation, qui est généralement agité comme un épouvantail, précisément parce que les néolibéraux n'aiment pas trop convoquer son nom. Ils disent « mais notre démocratie représentative n'a strictement rien à voir avec ce théoricien-là ». C'est quelqu'un qui s'appelait Hobbes, qui en 1651 a écrit un gros ouvrage qui s'appelle « Le Léviathan ». Et l'un des chapitres les plus importants de cet ouvrage, ce n'est pas un chapitre très long, c'est un chapitre très court, il fait à peine 5 pages. C'est le chapitre 16. Le chapitre 16, c'est un chapitre qui s'appelle « Des personnes ». Il est question des personnes, au sens des personnes naturelles et au sens des personnes fictives ou artificielles. Et lorsque Hobbes est amené à définir les personnes fictives ou artificielles, il dit une personne fictive ou artificielle, c'est une personne dont les actes et les paroles ont pour véritable fonction de représenter les actes et les paroles de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que le quelqu'un d'autre, ou les quelqu'un d'autre, ce sont les représentés, et que la personne artificielle, c'est la personne du représentant. Et il a à ce moment-là cette remarque qui est absolument prodigieuse, me semble-t-il, enfin en tout cas d'un point de vue théorique, lui ne s'embarrasse pas de fioritures et de rhétorique. Il dit « la personne prise en ce sens, c'est l'acteur ». L'acteur, comme au théâtre, parce qu'il utilise l'étymologie du mot « persona », qui en latin renvoie précisément au masque que porte l'acteur qui imite un homme sur la scène. Et il dit « c'est le cas au théâtre et c'est le cas aussi dans la vie quotidienne ». De telle sorte qu'il donne à comprendre la logique profondément théâtrale de la représentation politique. Et ça, c'est inestimable, parce que c'est quelqu'un qui dit... Alors, bien sûr, encore une fois, il est toujours accusé d'être précisément un négateur de liberté, mais à sa manière, je dis bien à sa manière, je ne parle pas de néolibéralisme, ce sera un anachronisme affreux, mais en tout cas, à sa manière, c'était un libéral. Contrairement, justement, à ce que beaucoup de gens disent à propos de Hobbes, c'était un libéral au sens de la philosophie politique, et un libéral au sens de la philosophie politique était assez conséquent et assez cohérent, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'à dire, ben voilà, c'est comme ça que les choses doivent se passer, c'est comme ça que les choses se passent, chaque fois qu'il y a de la politique au sens où nous l'entendons, il y a donc des acteurs, il y a donc des représentants qui sont des acteurs, et il y a des représentés qui sont des auteurs. Mais alors, attention, et là, pas de confusion avec ce qui peut se passer dans certains métiers. Lorsqu'il parle des auteurs, il fait référence, là aussi, à l'étymologie, à auctor, et il dit, finalement, les auteurs, ce sont les gens qui autorisent. Alors, les représentés, par conséquent, ce sont des auteurs parce qu'ils autorisent les représentants, c'est-à-dire les acteurs, à agir et à parler en leur nom. C'est exactement comme ça que Hobbes est amené à édifier sa théorie de la représentation politique. Or ça, pour nous qui réfléchissons justement, qui devons réfléchir de manière critique à cette notion de démocratie représentative, ça me paraît inestimable. Parce que c'est une façon de dire les choses qui, encore une fois, est très crue, très directe, ne s'embarrasse pas de circonlocution et dit finalement comment les choses se passent. Je fais exprès un parallèle avec le langage de certains des indignés espagnols, ou de certains des protagonistes du 15M qui parlaient de démocratie réelle, quelqu'un que l'on connaît bien, Christian et moi, qui est un journaliste et un activiste, qui écrit de temps en temps, comme ça, des articles, a écrit un article dans un journal espagnol, c'était avant la percée électorale de Podemos, dans lequel il disait que, justement, il y avait deux logiques, la logique de la peau et la logique du théâtre. Et quand il parlait de la logique du théâtre, il parlait de la logique de la représentation politique. Et il disait ça quelques mois avant les élections, qui ont donné à Podemos une certaine importance électorale. Et il disait, c'est très bien ce qui s'est passé, mais il ne faudrait pas croire que Podemos, c'est le prolongement naturel du mouvement du 15M, parce qu'en réalité, entre 2011, fin de l'occupation des places, et d'autre part 2014-2015, avec la constitution de Podemos, il s'est passé quelque chose qui relève d'une autre logique que celle du théâtre, c'est la logique qu'il appelle la logique de la peau. La logique de la peau, c'est qu'en effet, vous avez eu des initiatives qui ont couvert toute la société espagnole d'une seconde peau, avec la constitution de collectifs partout, de collectifs de quartiers, de collectifs de gens qui luttaient contre les hypothèques, la fameuse plateforme contre les hypothèques qui a été, entre autres, dirigée à un moment donné par Ada Colau, celle qui est devenue la maire de Barcelone, et ça, c'est pas Podemos. Ça, ce sont des initiatives qui sont issues du mouvement des places, comme si l'énergie, en quelque sorte, qui s'était concentrée pendant un mois sur les places, s'était ensuite rediffusée sur la surface de toute la société pour former cette seconde peau. Alors cette opposition entre la logique du théâtre et la logique de la peau, outre le fait qu'elle est très belle, elle reprend en fait une image que l'on trouve chez certains auteurs des années 70, notamment chez Lyotard, mais outre le fait qu'elle est assez parlante, elle me semble être ici importante à noter, parce que finalement, si on dit que le principe du commun, c'est qu'il n'y a pas de co-obligation si cette co-obligation ne procède pas d'une co-participation. Ça signifie à ce moment-là qu'il faut revoir, y compris la façon dont nous parlons de la politique. Pourquoi y a-t-il des représentants? Comment les représentants, en général, sont-ils légitimés? Qu'est-ce qui fait que dans le discours, dans un certain discours de philosophie politique ou autre d'ailleurs, la nécessité des représentants se trouve généralement admise? C'est qu'on dit qu'il y a une division du travail que la politique rend nécessaire. Et quelqu'un qui l'a théorisé, qui n'est pas du tout un disciple de Hobbes, mais qui est un personnage qui a eu une certaine importance pendant la Révolution française, qui s'appelle l'abbé Sieyès. Et il y a des textes de Sieyès en 1789, 1790, 1791, dans lesquels il dit précisément « la représentation est rendue nécessaire par le fait qu'il faut une division du travail ». Tout le monde ne peut pas s'occuper de politique, donc il faut précisément qu'il y ait une division du travail. Et Castoriadis a fait remarquer très justement qu'il y a deux choses que l'on doit distinguer. La division des tâches, parce que personne ne peut pas tout faire en même temps avec tout le monde, et puis la division du travail. Et c'est la division du travail qui, justement, se trouve complètement légitimante quand on tient un discours sur la nécessité de la représentation. Or, c'est cette division du travail qui doit être remise en cause. Il n'y a pas de division stable et fixe du travail entre des gens dont la politique serait le métier et qui seraient chargés de représenter les autres qui resteraient passifs, et d'autre part, justement, les représentés, qui, eux, n'auraient leur mot à dire, finalement, que tous les 4, 5 ou 7 ans, puisque c'est en général comme ça que ça se passe. Alors on pourra dire, mais c'est une délégation de pouvoir qui est provisoire, elle n'est pas, elle est fixe, elle est irrévocable dans certaines limites de temps qui, elles, sont fixes. Or, ce que dit Castoriadis, qui me semble très juste, c'est que, en dernière analyse, si on accepte ça, on accepte que ceux dont la politique est le prétendu métier puissent s'arranger pour modifier dans l'intervalle les conditions de leur propre réélection. Donc c'est antidémocratique au possible, et c'est ça qui doit être contesté à la base. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup, nous mettons beaucoup l'accent sur ce principe du commun et sur la nécessité par conséquent de penser la démocratie d'une façon radicale, de la pousser jusqu'au bout. Parce que si on fait ça, à ce moment-là, on s'aperçoit que beaucoup de choses en découlent. On peut par exemple faire une distinction entre des délégués qui sont élus irrévocables à tout moment, et puis d'autre part des représentants. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde, encore une fois, va faire tout en même temps et qu'il doit y avoir une sorte, comment dirais-je, d'horizontalité pure. Mais la verticalité doit être soumise à des conditions très strictes, précisément la révocabilité. Le fait qu'on puisse interpeller quelqu'un pendant la durée de son mandat, sans éventuellement d'ailleurs le prévenir, que ce sera à une date fixe, pour lui demander des comptes sur la façon dont il s'acquitte de son mandat. Voilà, ça rend les choses déjà complètement différentes. Et il me semble que c'est un principe politique dont je vois mal pourquoi il serait, comment dirais-je, valable dans certaines limites, pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ce qu'il faut contester à la base, c'est que la politique soit un métier. C'est la relation qui existe entre ce qu'on appelle les experts et, d'autre part, la politique. Il n'y a pas d'experts politiques. Ça a été dit déjà il y a plus de 2000 ans. Ça doit être répété avec force. Il n'y a pas d'experts politiques. Il y a des experts dans différents domaines. Après tout, tout le monde ne peut pas s'improviser dans tel ou tel métier. Mais il n'y a pas d'experts dont le métier spécifique serait la politique. Et donc, dans ce cas-là, si on accepte cette prémisse, ça signifie à ce moment-là que les experts doivent être contrôlés politiquement. N'étant pas quelque chose qui relève de la politique, les experts doivent être contrôlés démocratiquement. C'est cette nécessité du contrôle démocratique à tous les échelons qu'on peut imaginer qui nous semble absolument essentielle quand on réfléchit justement sur le commun. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, j'en viens à l'articulation entre le pluriel et le singulier avant de passer la parole à Christian, c'est la raison pour laquelle il nous semble impossible finalement de déterminer la signification du pluriel quand on dit les communs, un commun au singulier, ou bien les communs au pluriel, si on n'a pas commencé par préciser la portée et la signification du commun comme principe politique. Or, si on fait ça, à ce moment-là, on s'aperçoit que les communs sont affaires d'institutions, pas le commun. Le commun est un principe, il n'a pas à être institué. Mais les communs sont affaires d'institutions. Sont affaires d'institutions, ça veut dire que vous avez des collectifs, quelle que soit leur ampleur, leur taille, etc., qui sont amenés, en effet, à instituer, c'est-à-dire à faire exister quelque chose qui n'existait pas, mais toujours à partir de ce qui existe déjà, donc toujours à partir d'un certain déjà-là. Ce n'est pas une création à partir de rien, ça c'est une sorte de romantisme de l'instituant dont il faut se défaire. Il y a toujours de l'institué, donc il faut toujours travailler à partir de l'institué, mais il faut travailler de manière à transformer profondément cet institué, et c'est ça l'acte d'institution, donc l'activité instituante sur laquelle nous insistons, parce que ça signifie qu'on échappe à quelques alternatives dont une certaine sociologie a fait ses délices, il y a bien sûr de ça assez longtemps, mais je pense par exemple à l'opposition facile entre, à la fin du 19e au début du 20e, entre la communauté de statut et la société de contrat. Voilà, on disait, la société de contrat, c'est des individus qui sont des atomes, et puis la communauté de statut, ça signifie que chacun se voit assigné à un statut, comme ça, il y a une logique statutaire. Mais c'est une alternative qui est complètement faussée, complètement viciée, dont on doit précisément sortir. Or, de notre point de vue, la logique du commun, c'est la logique qui permet de sortir de cette alternative. Et ce qui permet de sortir de l'alternative, c'est précisément l'accent mis sur l'activité instituante. Donc voilà, il y a des communs. Les communs peuvent être extrêmement divers. Donc il faut, de ce point de vue-là, ne pas considérer que sous prétexte que tous les communs, en tant qu'ils sont affaires d'institution, procèdent du principe du commun, il y a une homogénéité. Pas du tout. Il y a des choses qui sont extrêmement différentes, ne serait-ce qu'en raison du nombre de gens qu'elles sont amenées à impliquer. Je prends comme ça des exemples. Il a été question de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais je ne sais pas, moi, on a appris récemment avec Christian qu'à Montréal, une lutte populaire qui a duré 10 ans a obtenu que leur soit cédé à tous les gens de ce quartier-là un terrain de 35 hectares qui est sur la pointe Saint-Charles, qui est en plein cœur de Montréal, près du Vieux-Port. 35 hectares. C'était quelque chose que convoitaient depuis 10 ans les sociétés immobilières. Et ils ont obtenu, au bout de 10 années de lutte, de faire que ce terrain-là soit le terrain à partir duquel soit construit un centre multifonctionnel autogéré avec des dispensaires médicaux, avec des bibliothèques, avec un certain nombre d'activités culturelles. Bon, voilà, y compris une crèche, je crois. Bon. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez bien que c'est un commun. Il y en a d'autres, on pourrait donner d'autres exemples. Mais à chaque fois, vous avez une affaire qui relève de l'institution. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont amenés à se regrouper pour délibérer et décider en commun des règles de fonctionnement de ce commun. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est les règles de l'usage qui finalement sont importantes. Ce n'est pas le statut au sens de la propriété ou de la non-propriété. On peut faire parfois du commun derrière un certain nombre, comment dirais-je, ou à couvert ou sous couvert d'un certain nombre de titres juridiques, mais le contenu importe d'abord et avant tout. On peut faire du commun avec des coopératives, on peut faire, et avec pourtant un statut de propriété collective, on peut faire du commun dans des conditions juridiques qui sont très différentes. Mais ce qui importe, c'est justement l'activité instituante, le fait de délibérer ensemble, de codécider, de mettre en place un certain nombre de règles, et de dire que tout ceci relève, les espaces institutionnels qu'on construit ainsi relèvent de l'usage commun. Ils sont dédiés à l'usage commun. Ils ne relèvent pas de la logique propriétaire, qu'il s'agisse de la propriété de l'État ou qu'il s'agisse de la propriété privée. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui fait que, pour nous, en tout cas, le principe du commun est un principe, en effet, alternatif. Et c'est ce principe qui peut nourrir un imaginaire, je ne dis pas qu'il suffit à le constituer ou à le créer à lui seul, mais il peut nourrir un imaginaire alternatif à l'imaginaire néolibéral. Voilà, très courte présentation. Oui, je vais continuer. Donc, sur la lancée de Pierre qui a parlé du principe du commun, je voudrais passer maintenant, je dirais, aux travaux pratiques en matière d'économie. C'est-à-dire, finalement, est-ce que lorsqu'on a défini un principe comme celui du commun, que Pierre a rappelé, est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, mettre en œuvre, penser sa mise en œuvre dans le champ économique ? Alors, c'est ce que nous avons fait à la fin de notre bouquin, lorsque nous avons avancé un certain nombre de propositions, que nous avons appelées propositions politiques, qui se définissaient comme des commencements, en gros, comme des chantiers que nous ouvrons, et nous avons donc mis sur la table une série de questions, plus que de solutions d'ailleurs, à partir de ce principe du commun. En gros, tout ce qui a été dit ici, et je m'excuse d'être arrivé en retard, sur la question du salaire à vie, sur la question du revenu de base, sur la question du revenu des intermittents, renvoie à une question pour nous absolument essentielle, décisive, qui est la mise en commun. Et la question de qui décide de la mise en commun des ressources. On pourrait dire autrement, qui décide des règles d'usage de ce qui a été produit. Et pour nous, cette question de la délibération et de la décision de ce qui est mis en commun est absolument inséparable des formes même de l'activité, des formes même de l'organisation de la production. Et là, il y a quelque chose qui doit être remis en débat et qui a été le cœur du socialisme et du communisme, c'est-à-dire finalement l'extension de la démocratie, des procédures démocratiques à l'ensemble du travail, à l'ensemble du champ de la production. Or, c'est une question qui a été quand même assez désertée depuis pas mal de temps. Elle revient certes aujourd'hui par le biais du débat sur les coopératives, des entreprises récupérées en Argentine ou en France. Elle revient de façon diverse et variée, mais dans l'économie sociale et solidaire, par exemple. Mais au fond, on a perdu, depuis les années 70, finalement, l'énergie à la fois de réflexion et d'action qui, par exemple, entourait la problématique de l'autogestion. Un thème qui a soudainement disparu, c'est un fait historique et social quand même sur lequel il faut quand même s'interroger pourquoi cette thématique si forte de l'autogestion à un moment donné disparaît complètement, de la même façon comment s'épuise à certains moments dans les années 80 les formes de coopératives, en particulier de coopératives de distribution remplacées par finalement des entreprises très, très banales. Bon, donc pour nous la question fondamentale c'est de repenser donc l'extension de la démocratie dans le champ de l'économie et de le penser en termes de révolution. Il a été question tout à l'heure effectivement de révolution. Oui, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il s'agit de révolution au sens que Merleau-Ponty et Castoriadis donnaient au terme, c'est-à-dire de réinstitution de la société et en particulier de réinstitution démocratique des activités économiques. Alors c'est par là que nous avons pris la question du principe alternatif. Nous ne l'avons pas saisi à partir du revenu, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du revenu se pose en termes de mise en commun et de décision de ce qui devait être mis en commun. Disons encore, avant d'entrer dans le détail, que ce que nous entendons par politique du commun, c'est une politique transversale qui touche tous les secteurs. Ce n'est pas une politique, par exemple, qui se contenterait de dire, comme certains le font, qu'il existe des associations, des coopératives, en gros un tiers secteur, à partir duquel, finalement, par expansion interne, en quelque sorte, du fait même de l'exemplarité de ces activités, on transformerait l'ensemble de la société. Ce n'est pas du tout notre optique. Pour nous, ce que nous entendons justement par politique du commun, c'est une politique qui subvertit, qui révolutionne toutes les activités, celles de l'entreprise capitaliste, celles des services publics, comme celles du champ dit de l'économie sociale et solidaire. Alors donc là, je n'aurai évidemment pas le temps d'entrer dans chaque domaine, mais disons que pour ce qui est de l'entreprise, là aussi souvent oublié, il s'agit de repenser la forme politique de l'entreprise, de donner une forme politique à la coopération des travailleurs. C'est une vieille histoire, comme vous le savez bien, puisque c'est le démarrage même du socialisme originel, c'est-à-dire donner une forme associative au travail coopératif, à ce que Proudhon appelait la force collective des travailleurs contre la domination du capital. En gros, la question qui se pose est toujours la même, et elle a déjà été évoquée, c'est la manière dont on soustrait l'activité productive à la domination du capital. Alors sans doute il s'agit bien de desserrer la contrainte économique, en particulier la contrainte salariale à l'intérieur, au niveau microéconomique, mais il s'agit aussi donc de penser aux formes politiques que aujourd'hui pourrait prendre le gouvernement des entreprises. En gros, quel type d'autogouvernement de la production en entreprise est aujourd'hui pensable. Et c'est ainsi que nous avons donné une certaine place relativement importante à ce que pourraient être précisément des formes coopératives nouvelles qui impliqueraient, comme dans les SCIC par exemple, qui impliqueraient tous les usagers, tous ceux qui ont partie liée avec l'activité productive, dont les collectivités territoriales. Un terme qui nous est paru assez intéressant, c'est l'idée d'un contrôle citoyen sur l'entreprise, d'un gouvernement citoyen de l'entreprise, qui trancherait avec les vieilles idées, vous savez, du mouvement ouvrier, qui était celle du contrôle ouvrier. L'idée qui a longtemps couru et qui animait, par exemple, certains courant conseilliste, c'était l'idée que les ouvriers devaient exercer un contrôle direct sur la direction de l'entreprise et les choix de l'entreprise. Il nous semble qu'il faut évidemment dépasser ce cadre aujourd'hui pour essayer de réfléchir à la façon dont la société elle-même, les institutions sociales, devraient ou pourraient participer au gouvernement de l'entreprise. Il y a là, aujourd'hui, toute une série de débats au niveau international avec des propositions les plus diverses, des plus timides aux plus audacieuses qui vont dans ce sens. Donc pour nous, c'est une ligne de force de la réflexion alternative qui ne doit surtout pas être oubliée comme si finalement l'alternative ne concernait que des activités secondaires, marginales et comme si on pouvait finalement imaginer une alternative en tolérant aujourd'hui la domination écrasante du capital. Ensuite, évidemment, la question se pose également pour ce qu'on entend par service public. Il nous semble extrêmement important de ne pas croire, de ne pas laisser croire que l'État à lui seul, parce qu'il à organiser des activités non marchandes suffirait finalement à sortir le travail, à libérer le travail des formes d'aliénation, des formes de domination, etc. Donc nous ne sommes absolument pas pour, d'une certaine façon, troquer, je dirais, le marché contre l'État ou l'État contre le marché, faire croire que des relations de type bureaucratique seraient forcément meilleures que des rapports marchands. La grande question qu'il faut reposer, et par exemple les syndicats, ils ont été évoqués à juste titre, qui nous semble devoir jouer un rôle extrêmement important en la matière, puisque c'est aujourd'hui dans les services publics que les syndicats sont encore puissants, c'est dans ce domaine-là que la bataille pour la démocratisation des services publics est essentielle. Et d'une certaine façon, il s'agit d'arracher à l'État bureaucratique l'organisation, le gouvernement, des services publics. C'est ce que Jaurès avait essayé de penser lorsqu'il disait que des services publics, c'était avant tout des services de citoyenneté, c'était sa formule, des services de citoyenneté qui devaient être co-construits, il ne disait pas ça exactement, co-gouvernés par les travailleurs des services publics, mais également les usagers et les institutions politiques locales. C'était d'ailleurs, il n'était pas le seul à le faire, c'était une tradition en France, en Belgique, avec César de Pape, sur les services publics. Donc là, à mon avis, il y a là aussi un chantier, mais à articuler au premier, celui de la transformation de l'entreprise. Et enfin, pour ce qui est de l'économie sociale et solidaire, définition administrative en même temps que militante, ou à moitié administrative et à moitié militante, je crois qu'il y a là aussi à, comment dire, passer au crible du principe du commun, ce qu'on entend par ESS. Et c'est d'ailleurs, je le note, ce qui est en train de se produire en France, puisque vous avez aujourd'hui des centaines de lieux où se discute le rapport de l'ESS et des communs. S'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans les derniers mois, c'est bien précisément le fait que la problématique du commun est en train de réinterroger, d'une certaine façon, la signification politique de ce qu'on entend par économie sociale et solidaire. Enfin, l'autre grand domaine de réflexion auquel nous invitons, d'une certaine façon, à travers la problématique du commun, c'est à interroger l'état social ou l'état du welfare, et à le repenser précisément comme... Dans sa signification radicale de mise en commun de ressources, mais à penser également au fait que la bureaucratisation du social, de l'état du social, a été quelque chose qui a fait perdre la signification même de ce qui était en jeu, c'est-à-dire le fait qu'il y avait eu décision de mise en commun d'une partie de la valeur, et que cela impliquait de reconstruire des institutions démocratiques du social. Alors je crois que c'est à partir de là qu'on peut réfléchir à la question du revenu universel. Nous n'avons, faut bien l'avouer, pas abordé cette question dans notre ouvrage. Nous ne l'avons pas abordé pour les raisons que j'ai dites. Précisément parce qu'il nous semblait que la forme d'activité était plus importante. Néanmoins, beaucoup de tenants du commun, eux, font le lien. Et là, ça nous pose un certain nombre de questions. Pour nous, c'est, en gros, pour le dire très simplement, revenu universel et commun, c'est encore aujourd'hui une question et un problème. Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, vous savez tous, le revenu universel ou le revenu de base a été... de plus en plus, les jours derniers le montrent, totalement réinvesti, enfin largement réinvesti par la pensée néolibérale. Du fait même que ça paraît être pour les néolibéraux un levier extraordinaire de démantèlement de l'État social, dans la mesure même où la distribution d'un revenu de base de 700-800 euros, etc., équivalent à peu près à ce que l'État-providence en moyenne distribue pourrait être un moyen de laisser à chacun, comme un chèque éducation ou un chèque social, un moyen de libéraliser complètement le secteur social en laissant à chacun le choix de son assurance privée. Bon, donc je crois que les néolibéraux reviennent sur des choses très anciennes, l'impôt négatif de Friedman, etc., etc., ils réinvestissent. Bon, c'est peut-être... peut-être pas forcément l'argument qui doit être opposé forcément à ça, au revenu universel. Je crois qu'il y a quand même des questions qui sont assez cruciales pour nous, que nous n'avons pas encore tranchées. D'un côté, il y avait la position d'André Gors, qui a longtemps hésité sur cette question du revenu universel, comme vous le savez peut-être, et qui finalement a tranché dans le sens d'une acceptation, d'un soutien à cette proposition, à cette revendication, en disant que finalement c'était pour lui la seule façon de créer les conditions de ce qu'il appelait la multi-activité. En gros, finalement, le revenu universel était le socle, la condition de base, si l'on peut dire, à partir duquel des individus pourraient s'engager dans d'autres types d'activités et se défaire, se désinsérer en quelque sorte des contraintes du marché et de l'État. Mais là encore, la question se pose de savoir s'il n'y a pas une sorte de naïveté, s'il y a bien une pensée politique, mais en même temps une naïveté sociologique à penser que le revenu universel suffirait à l'engagement. Bon, l'exemple brésilien, alors d'abord ça familial, et le bilan qu'en tire la gauche brésilienne aujourd'hui laisse penser qu'il y a là une politique de guichet qui est loin d'avoir fait ses preuves en matière d'engagement associatif, politique, etc. Bon, alors ça c'est une première question. Il y a une autre version qui est plutôt celle de Negri et de ses amis, qui consiste à dire, oui, je suis excusé d'évoquer Negri, qui consiste à dire que le commun est déjà là. Que le commun est déjà là, c'est-à-dire que finalement, les activités qui se sont créées plus ou moins spontanément, les activités participant à l'intelligence collective diffuse, donc ont mis en place, en vigueur, un commun dont il faut, qu'il faut d'abord reconnaître comme tel et qu'il faut financer. Et comme s'il s'agissait de sanctionner, de valider un commun spontanément développé dans la société. Ce qui amène à penser que, d'une certaine façon, le commun, pour le coup, est une création spontanée et que l'institution du commun, selon l'expression de Negri, consiste à valider par un revenu ce qui existe déjà. Ce qui est laissé de côté en même temps toute la manière dont le capital et l'État organisent, structurent aujourd'hui l'activité de production. Alors pour nous, il nous semble que ni une certaine naïveté sociologique, ni un certain spontanéisme du commun ne sont pertinents. La réflexion vers laquelle nous dirigeons serait plutôt de se demander quelles pourraient être les institutions politiques qui valideraient des activités du commun, dans la mesure où on ne peut pas se confier à la solution hyper-individualiste qui consisterait à verser un revenu à tout le monde en disant que chacun finalement serait libre tout seul dans son coin de valider l'utilité de sa propre activité. Vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui disent au fond versons un revenu aux gens quoi qu'ils fassent. Même s'ils se mettent à jouer aux cartes, d'une certaine façon, c'est une production socialement utile. Et voilà. Et ça, c'est une manière, je dirais, radicalement individualiste de penser la validation d'une activité. Le point le plus intéressant, c'est de savoir comment une collectivité locale, un collectif, etc., à différentes échelles, peut être amené non pas seulement à valider le niveau de qualification des travailleurs, mais la signification même de l'activité, et par là même de la reconnaître et de la financer. Ce qui se fait déjà, d'ailleurs, dans de multiples cas, quand par exemple dans une collectivité locale, on soutient une association financièrement, ou on soutient même un petit commerce lorsqu'il est absolument indispensable à la vie collective. Voilà donc, à notre avis, l'espace de questions que nous avons, que nous mettons en débat, mais que nous avons l'intention de réfléchir aussi à travers, je crois, la question décisive que Bernard Friot a posée dans ses ouvrages, la question décisive de la valeur. La question de la valeur, c'est-à-dire aussi la question de la manière dont une société définit ce qu'est donc la valeur. Et par quelles institutions on peut décider que telle ou telle activité crée de la valeur et doit donc être pour cela reconnue comme telle et validée, sanctionnée, financée, etc. Voilà, je vous remercie. Barbara Levchevski, je suis anthropologue du CNRS. Vous avez parlé d'imagination au début, vous avez donné l'exemple de Notre-Dame-des-Landes et ainsi que de toutes les autres expériences qui ont lieu aujourd'hui qui présentent beaucoup d'imagination et c'est formidable. Et je voulais savoir si vous avez réfléchi aux principes du commun qui sont réaffirmés dans le cas de la France, dans tous les territoires d'outre-mer toujours colonisés par la France. Et notamment donc par les populations autochtones, que ce soit en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. En Guyane particulièrement les Amérindiens, mais aussi les descendants d'esclaves, les Marrons qui se sont échappés autrefois, les Bushinengués, qui demandent la reconnaissance, entre autres, de la Convention 167 de l'Organisation internationale du travail, pour que, depuis des années son succès à la France, alors que beaucoup de pays via l'ONU l'ont déjà signé, qui serait une reconnaissance transnationale, mais avec des effets nationaux, d'une forme de souveraineté de leur principe du commun, qui n'est pas que l'enfermement isolé, comme beaucoup de gens le pensent, mais qui touche à l'économie nationale de la France, notamment avec ce dont vous avez sûrement entendu parler, la récente décision du gouvernement de transformer l'Amazonie française en Guyane, qui n'était pas encore sillonnée comme le Brésil par des routes et des barrages qui détruites. Donc, le bénéfice d'une exploitation avec les contrats avec les Chinois de l'Amazonie, maintenant officiellement, vis-à-vis de l'exploitation de l'or, qui se fait depuis des années, et les Amérindiens ont fait l'alerte depuis 10 ans sans aucun retour du gouvernement. Pour faire une exploitation officielle d'or, alors que jusqu'à présent, ça se faisait clandestinement, sans aucun investissement de la France pour intervenir. Là, et là, ça retouche aussi aux questions qui ont été exposées par les deux autres intervenants, les Indiens, qui ne touchent souvent pas à la sécurité sociale quand ils se font soigner. Ils sont français. Dans les écoles, leurs enseignants ne sont souvent pas payés puisque la France ne reconnaît pas leur langue. Donc s'ils veulent enseigner, ils sont bénévoles dans les écoles, ils ne sont pas payés. Ceux qui assistent l'armée pour se battre contre les mafias des orpailleurs, des millions d'euros qui sortent de la Guyane française avec l'or illégal jusqu'à présent, ne sont pas payés non plus, parce que l'armée ne peut pas les payer, ils ne sont pas militaires. Donc les Indiens aujourd'hui, ils travaillent bénévolement, ils s'empoisonnent au mercure, et ce sont des Français. Donc je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez du principe du commun de ces populations-là. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut dire le principe du commun de ces populations-là, mais on peut dire que le principe du commun devrait être appliqué à ces populations-là, et au premier chef, le principe du commun de ces populations. Le principe du commun existe de manière différente dans les communs de toutes ces populations-là. Donc les Maoris, ah d'accord, ok, j'ai pas compris. Les Maoris en Polynésie française, d'accord, d'accord. Et les quelques 28 langues de Nouvelle-Calédonie ont leur principe du commun pour du commun, mm-hmm. qui est à la fois du commun local, mais qui est du commun avec des échanges aussi régionaux, et c'est pareil pour le rapport à la forêt en Guyane française. Oui, mais alors il y a plusieurs. Avec des accords, par exemple, mmh. entre différents Amérindiens et les descendants d'esclaves ou chinois mmh. qu'ils ont accueillis quand ils se cachaient des plantations, etc. Donc, oui, et ça s'est réaffirmé aujourd'hui. C'est pas un truc du passé. C'est leur rapport à leur milieu qui mmh. nous concerne tous, puisque la forêt. Et ce qu'elle permet aujourd'hui est une ressource de la planète et engage notre futur. Ce n'est pas un petit épiphénomène. Tout à fait. Oui, oui, alors je comprends mieux la question maintenant. Donc, la question de la forêt, amazonienne, tout particulièrement, puisqu'on sait la Guyane, est une question fondamentale quand on réfléchit justement en termes de commun. Parce que normalement, comme vous l'avez bien souligné, ça ne devrait pas être quelque chose qui est posé en termes de frontières nationales. Je veux dire par là que la forêt amazonienne constitue une sorte d'entité. Comme ça, on pourrait dire qu'elle devrait être un commun, instituée comme commun et gérée comme commun. Ce qui impose à ce moment-là de remettre en question un certain nombre de découpages administratifs et territoriaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la frontière qui sépare la Guyane française de l'Amazonie du Brésil, il devrait y avoir un commun forestier qui serait justement celui de la forêt amazonienne et qui serait gouverné démocratiquement au premier chef par ceux qui en sont les usagers, pour une raison bien simple. Et là, vous voyez bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'acception libérale du terme, c'est-à-dire le fait qu'on dise que les usagers sont les consommateurs, parce que là, les usagers sont ceux qui prennent soin. Alors, à cet égard, il faut quand même mettre un peu, comment dirais-je, les pieds dans le plat. Moi, je me souviens d'avoir lu avec intérêt, mais en même temps, d'une façon très très critique, le dernier livre de Bruno Latour sur Face à Gaïa, précisément parce qu'à la fin, dans le dernier chapitre, il est question de la question du gouvernement, il est question de la limitation de la souveraineté, mais le modèle qui vient à l'esprit de Bruno Latour, c'est le modèle de la représentation qui est le modèle de Hobbes, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le modèle de la représentation, cette fois-ci, étendue aux relations entre les humains et les non-humains, avec l'idée qu'il doit y avoir un enchevêtrement de souveraineté parce qu'il y a des territoires qui relèvent de différentes souverainetés, etc. Mais ça ne pose pas le problème de fond, qui est le problème, là, en l'occurrence, d'un commun forestier. Or, un commun forestier, il faut considérer que c'est un commun, c'est un exemple de commun qui, justement, bouscule, dérange et remet radicalement en question la logique des frontières nationales. Donc, vous avez parlé de transnationales. Ça peut être compris de plusieurs manières. Ça peut être compris dans le rapport, comme vous l'avez dit, des Amérindiens avec les autres avec lesquels ils échangent. Mais ça peut être aussi compris, ici, dans le cadre d'un commun forestier, comme la gestion partagée d'un même commun par des gens qui sont brésiliens, qui ne sont pas brésiliens, mais qui sont guyanais, par tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre vitalement intéressés par la bonne gestion de la forêt, des ressources de la forêt. Et c'est précisément ce que les Amérindiens demandent à la France et au Brésil pour faire des accords sur la forêt pour empêcher la destruction, pas juste de la forêt comme forêt, cette espèce de western inimaginable qui se passe là-bas. Mais c'est quand même une question de droit. Eh oui, c'est une question de droit, mais... Je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de Bruno Latour, et je suis tout à fait d'accord avec votre critique de la représentation, mais la question des droits, telle qu'elle est discutée, notamment par les peuples autochtones à l'ONU, et la question de la souveraineté du principe du commun sur leur commun hérité depuis des générations, je pense, est un modèle tout à fait alternatif à ce que nous avons développé en Occident et qui est redevenu actuel. Oui, mais la manière dont eux avec des systèmes tout à fait différents en quatre coins du monde, dans des environnements différents, sont confrontés au même problème du néolibéralisme et aux mêmes compagnies transnationales chinoises à capital multinationale et autres, fait que les propositions de ce rapport hérité du commun qu'ils ont dans différents endroits de la planète est quelque chose qui est plus proche de Notre-Dame-des-Landes que d'un fantasme d'un passé dépassé. Je suis tout à fait d'accord, je suis entièrement d'accord et je ferai même, j'irai, enfin, sur la notion de souveraineté, à ce moment-là, il faudrait, là on n'a pas le temps, mais il faudrait retravailler parce que cette notion de souveraineté dont ils se réclament, comme c'est par exemple le cas chez les Inuits dans le Canada, n'a pas grand-chose à voir avec la souveraineté étatique dont on parle, et c'est précisément ça qui me paraît intéressant, c'est le caractère transnational que vous avez souligné. Justement, c'est pour rebondir, ça tombe bien là-dessus, j'ai fait circuler ce livre de Pierre Clastre, La société contre l'État. Pierre Clastre est anthropologue, ethnologue, ayant beaucoup connu les Indiens d'Amérique du Sud, et j'ai été très frappée il y a 3 ans, je vous en parle parce que c'est là-dessus, par un film que je vous conseille de voir qui s'appelle El Gran Dragon, qui a un titre espagnol, mais qui est un film fait par 2 cinéastes français de Poitiers, en français, qui a interviewé les gens qui, au Pérou, alors là c'est au Pérou, les gens de tous bords, médecins, forestiers, des femmes de communautés qui tiennent des... qui luttent précisément contre la déforestation au centre de l'Amazon, par des sociétés essentiellement canadiennes, françaises, américaines, en attendant les chinoises, qui détruisent systématiquement la forêt amazonienne, qui est un bien commun de l'humanité, qui donc détruisent des arbres qui font la moitié de la sable, connus pour leurs vertus médicinales utilisées par les Indiens depuis 20 000 ans, je ne sais pas combien, dont l'ayahuasca. Les firmes, les laboratoires brevettent l'ayahuasca et toutes ces plantes médicinales. C'est juste un exemple pour dire que nous sommes marqués, nous, comme le dit si bien Pierre Clastre, par un certain mépris des ethnologues par rapport à ces peuples primitifs qui n'avaient pas de gouvernement, pas de pouvoir, pas d'État archaïque, qui ne maîtrisaient pas l'écriture. Or, moi qui ai connu les Indiens, les Amérindiens à 18 ans, je peux vous dire que c'est des gens qui sont loin d'être inférieurs à nous en matière de pensée sur le commun. Et donc, je pense qu'il serait temps que nous nous libérions de certains enchaînements. Et alors, je passe à justement un autre point, je vais être très rapide. J'ai fait en 2008, 2009, 2010 un tour de France de 40 usines en lutte contre les plans sociaux que vous trouvez à mon nom, Evelyne Perrin, sur Google. Ça s'appelle Haute Tension. Donc j'étais très proche et très liée et je suis encore à des leaders de lutte qui pour la plupart ont perdu. Ces usines sont parties dans des pays où il y a déjà l'esclavage salarié que la loi El Khomri veut introduire. J'ai été frappée par le conflit amical entre les Conti et des dissidents de la CGT qui voulaient reprendre un peu sur le modèle de Lips la production des derniers téléviseurs en France par Philips à Dreux. Donc à Dreux, la CGT dissidente a essayé d'interrompre la production, de mettre de côté les téléviseurs pour faire un peu ce qu'avait Philips, c'est-à-dire de créer une coopérative. La direction s'est associée à FO, elle a envoyé des lettres menaçant de licenciement sur le champ, etc. Bon, ça n'a pas marché. Mais quand je participais aux manifestations avec eux, le leader, dont j'oublie le nom pour le moment, de la CGT dissidente de Philippe Dreux, et le leader des Conti, que je connais très bien, qui après s'est reconverti très bellement, d'ailleurs avec Joli Mom, dans une très belle pièce de théâtre, parce qu'il est très beau, le leader des Conti. Bon, j'avais une forte opposition, parce que les Conti, c'était une lutte magnifique, sauf qu'ils ne voulaient surtout pas devenir une coopérative, ou se transformer, ou lutter pour être une coopérative, alors que les Continentales de Mexico ont lutté 5 ans, ont repris leur boîte continentale de fabrication de pneus, leur coopérative est réembauchée. Au moins il y a 2 ans, il est embauché. Les Conti, avec leur leader, dont j'ai un trou de mémoire, maman, pas très connu, il n'en était pas question, ils étaient dans les mains de LO, lutte ouvrière, qui leur disait surtout pas, vous allez vous transformer en capitaliste. Après, j'ai suivi bien sûr la lutte des freins libres, qui a duré 1336 jours. Il y a un magnifique film, il y en a deux. Le premier, c'est Le pot de fer contre le pot de terre, et le deuxième, c'est le dernier que je vous conseille, 1336, mais toujours debout. Ils ont créé leur coopérative. Vous ils embauchent. Dans un quart d'heure, on s'en va. Donc c'est juste pour dire que, eh bien, simplement pour dire qu'il y a, des réticences. Mais on peut, enfin, après, la grande firme, la grande coopérative multinationale créée par les Pays Basques espagnols, elle est devenue assez critiquable. Mais il existe des exemples vivants. Vivant, de commun, dans le domaine économique. Bonjour, bonsoir. Liliane Irzanski, pédopsychiatre, membre des 39, du collectif des 39. Je voudrais vous demander comment vous articulez la question du principe du commun avec qui vous fait arriver sur... qui décide de la valeur, comment vous l'articuleriez par rapport à la question de l'enfance. Puisque quand on travaille aujourd'hui avec les enseignants ou des gens qui travaillent dans les crèches ou les PMI, on s'aperçoit depuis la loi du 11 février 2005 qui a créé la maison départementale des personnes handicapées, on s'aperçoit que le nombre des enfants qui a été étiqueté handicapé a été multiplié par 20. Donc, est-ce que un pays ou le monde entier, je ne sais pas, pourrait considérer que l'enfance est notre capital de base fondamental, si on pense que, si on espère qu'ils ont un avenir et un devenir citoyen, et être pensant et capable de soutenir la question de l'altérité? Aujourd'hui, il y a une casse, non seulement des lieux d'accueil pour les enfants en difficulté, qui appartiennent à 75% en classe sociale défavorisée, il y a une casse de l'enfance qui passe par le non-respect des temps psychiques nécessaires à la construction de l'humain, qui passe par la façon dont on cherche à enrayer la transmission des effets transgénérationnel, traumatique. On veut gommer la question de l'histoire, on veut gommer la question de la temporalité. Bon, ça, c'est très marqué politiquement aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas d'experts politiques en politique, mais tous ces experts de la Haute Autorité de Santé ou des agences régionales de santé n'y connaissent rien sur ce qu'ils viennent évaluer et dire le packing interdit, etc., etc. Non, c'est-à-dire, ma question, c'est comment, puisqu'on va organiser un meeting des 39 à Montreuil le 16 octobre, on va travailler sur cette question de l'enfance comme les fondations de la maison de l'humanité. Et que si on casse ce bien commun, ou ce commun, je ne sais pas comment dire, c'est l'humanité qui est mise à mal. Or, qui décide de la valeur? Qui décide qu'aujourd'hui, les êtres humains sont sur une pente de déshérités, j'ai envie de dire. Quelque chose comme ça qui a été, et qui est de plus en plus attaqué. Alors, est-ce que c'est le capital? Est-ce que c'est... Comment ça c'est... Parce que les gens de 60 ans, on n'en revient pas de cette casse. On ne pouvait pas penser dans les années 70 qu'il y aurait une telle régression et une telle attaque de la langue. C'est-à-dire que tous ceux qui mettent ça en place utilisent nos beaux mots, mais pour les dévoyer, pour les tricoter à l'envers. Et moi, je voudrais vous demander si vous avez une idée entre ce capital commun dont on parle quand on est grand et qui se réfère aux petits. À question de Maury, réponse courte. Oui, bah, juste un mot. Juste, c'est la question du handicap nous a beaucoup frappé. Effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Lorsque nous avions travaillé il y a quelques années sur ce que nous avons appelé la rationalité néolibérale, c'est-à-dire non pas seulement le lieu même de l'accumulation du capital traditionnellement interprété comme les entreprises capitalistes, mais la rationalité du néolibéral, c'est la rationalité du capital, c'est la raison du capital exportée sur toute la société, et en particulier dans le champ de l'éducation comme dans le champ de la santé. Et on voit à peu près les mêmes effets partout d'une interprétation de l'humain comme capital. C'est là où je serais pas tout à fait d'accord avec votre expression, puisque vous parlez de la langue, il faut se méfier justement de parler de capital à propos de l'humain, parce que ça, c'est très précisément la façon dont, dans de multiples domaines, celui de la formation professionnelle d'abord, mais celui aussi de l'éducation, de l'enseignement, etc., et de la santé, on interprète la face de l'humain, et pas seulement de l'interpréter, on veut gouverner l'humain comme un capital qui doit s'accumuler, se valoriser, etc. Et d'où aussi un principe d'exclusion radicale ou de traitement de la normalité pour les gens qui n'entrent pas dans la temporalité de l'accumulation du capital subjectif, si je puis dire, ou du sujet comme capital. Dernière question. J'aurais juste voulu avoir la réponse de Bernard Friot à vos réticences sur le salaire universel. Vous avez mis Ah non, je ne veux être que d'accord avec des collègues qui s'interrogent sur la légitimité du... Je ne peux être que d'accord avec des collègues qui s'interrogent sur la légitimité du revenu de base. Hein. Le revenu de base, c'est un projet totalement antinomique du salaire universel. Le salaire universel, il contre, encore une fois, ce mépris anthropologique... constitutif de la bourgeoisie, qui s'arroge le monopole de la valeur, il nous pose en capacité de décider de la valeur. Et c'est pour ça que c'est du salaire, c'est pas du revenu. Hein, c'est quelque chose qui a à voir avec la production de valeur. Donc, pour ce que j'ai compris des interrogations qu'a donné Christian, je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Je suis en désaccord avec le Gors de la dernière manière, par exemple, ça c'est clair. Alors, je ne sais pas, ils ont parlé de naïveté sociologique, je suis assez prêt à partager le diagnostic. Le deuxième terme autour de... C'était quoi ton spontanéisme du commun. Voilà, bien sûr. Hein. Non, je crois qu'il y a un accord. Toute la question, mais moi j'ai été surpris de la maturité politique de Nuit Debout sur ces questions-là. Moi je m'attendais à un déferlement du revenu de base. Pas du tout. Il y a une réelle maturité politique sur la nécessité de réfléchir sur le salaire comme droit politique. Je crois que c'est ce point-là qui, moi, m'a plutôt agréablement surpris par rapport à d'éventuelles préventions que j'aurais eues sur une espèce d'omniprésence du revenu de base dans la réflexion. Merci.